histoires. Tous les temps tout correct. Et ça qui bonne femme là, qui fait partie de tes beaux. Ou jamais n'a pas pour connaître. C'est qui se la vie était. Qui passait pas pour raconter. Jamais pas pour deviner. C'est qui lui met des côtés. Paye son crédit.